Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Peanuts et le monde de Charlie Brown. Peanuts est très populaire auprès des adultes, mais c'est quand même un monde d'enfants. Apparemment, c'est un monde d'enfants. En réalité, les préoccupations des personnages de Schultz, c'est des préoccupations philosophiques d'adultes. Mais dans un monde où les adultes n'apparaissent pas. Alors, les enfants mettent en relief un certain côté absurde, un certain côté incongru de la vie. Le dessinateur Pierre Duprat, à l'émission Présent en octobre 1980, une bonne partie du génie de Charles Schultz, le père de Charlie Brown, consiste en effet à avoir créé un monde où les enfants ont des préoccupations d'adultes. La recette va être gagnante. Peanuts va être publié pendant 50 ans. À la mort de Schultz, en 2000, 2600 journaux dans 75 pays différents publient les aventures de Charlie Brown. Petit garçon comme Charlie, à qui jamais rien ne réussit. Ça se casse la figure à tous les coins de la vie. Dieu, que la vie est dure pour Charlie. Jusqu'à présent, vous avez toujours dit que vous dessiniez les enfants exactement comme ils sont. Mais vous faites plus que ça. Je l'espère. Il s'agit en fait de tenter d'être drôle et amusant à chaque jour dans le journal. Mais il doit y avoir aussi une sorte de message. Toute personne qui affirme pouvoir faire de l'humour sans véhiculer de message propose en réalité un humour vraiment faible. C'est d'ailleurs un point sensible chez beaucoup de dessinateurs et d'éditeurs. This is a sore point with a lot of cartoonists and a lot of editors. Some people would like to have you do humor that does not carry too much of a message for fear of offending somebody. Certaines personnes aimeraient que nous fassions de l'humour sans trop véhiculer de message, de peur que l'on offense quelqu'un. Mais comme je le disais, l'humour sans message, c'est faible. Donc, le message qui est véhiculé ici est celui de notre insécurité à tous et des épreuves que nous devons traverser, ce genre de choses. The message of the insecurity of all of us and the trials that we all have and this sort of thing. Encore un peu plus triste que tout à l'heure. Retiens les larmes de Charlie. Sur la chanson « Un petit garçon comme Charlie Brown » interprétée en 1970 par Serge Gainsbourg, vous entendiez Charles Schultz, le père de Charlie Brown, en entrevue à la radio anglaise de Radio-Canada en 1961, pour nous raconter la formidable épopée de Charlie Brown. Je reçois le comédien Jean-Dominique Leduc, chroniqueur BD, fou de BD. Jean-Dominique Leduc, bonjour. Bonjour, Jacques. Que représente l'univers de Peanuts, ce joyeux monde de Charlie Brown, Jean-Dominique, dans l'univers de la BD? Rien de moins qu'un chef-d'œuvre. Oui. C'est une œuvre qui a transcendé le médium totalement. Et au 20e siècle, c'est toute discipline artistique confondue. On s'entend que les Peanuts se retrouvent au Panthéon. Ouais. Il a été tellement important dans le milieu de la bande dessinée. Il a inspiré 5 générations, voire 6 générations d'auteurs qui ont, au contact de Peanuts, qui ont voulu à leur tour œuvrer dans le milieu de la bande dessinée et du comic strip dans les journaux. C'est quelqu'un qui a mis la barre tellement haute qu'il est pratiquement, je crois, impossible. Il faut aller ailleurs, il faut faire autre chose. Et suite à Charlie Brown, il y a eu plusieurs autres séries très, très importantes. On n'a qu'à penser à Calvin et Hobbes, entre autres, même à Garfield de Jim Davis, ouais. À Cul-de-sac également. Bref, il a permis au lectorat de rencontrer une œuvre majeure. C'est-à-dire qu'il a permis d'élargir les perspectives même du médium de la bande dessinée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait des centaines de millions de lecteurs à travers le monde. Ouais. Donc, pour plusieurs de ces millions de lecteurs-là, leur premier contact avec le médium de la bande dessinée, ce fut via Charlie Brown. Ouais. Avec une carrière qui, c'est pas rien, là, 50 ans de présence quotidienne. Totalement. Il travaille seul, Charles Schultz. Oui, il travaille seul parce qu'il veut être le seul maître aux commandes de sa propre destinée. Il est d'une exigence telle qu'évidemment, le fait de travailler en collaboration aurait été pratiquement impossible. Il est le seul créateur de cet univers-là. D'ailleurs, à la fin de sa vie, tout comme Hergé d'ailleurs, décide que la série ne lui survivra pas. Ouais. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, dans les années 70, en 1975, le syndicate pour lequel il travaillait, donc qui représentait et qui publiait, qui s'occupait de vendre le strip à différents journaux à l'international, ayant peur que Schultz veuille reprendre ses droits, ont demandé à un auteur dont on ignore le nom de produire des strips de Charlie Brown. Mm-hmm. Et des années plus tard, une éditrice, en fouillant dans la voûte, tombera donc sur ses pastiches. Et semble-t-il que c'était vraiment très mauvaise minable. Idée. Pas ouais. bon du tout. Ouais. Comment il en vient? Bon, c'est un monument, donc, ouais. on l'a bien compris à vous entendre. Charles Schultz, il a vraiment présence quotidienne, je le rappelle. Mais et Charlie Brown, c'est notre quotidien aussi. Ça fait partie du génie de cette série-là. On le suit aux différentes époques de l'année. C'est le quotidien, ce personnage-là et toute sa famille. Comment il en vient à la bande dessinée? Grâce à son père, en fait, son père qui est barbier et qui amène Charles au travail, découvre les comic strips dans les journaux. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que la première forme de divertissement à grand déploiement là, populaire, ce sont les comic strips dans les journaux qui ouais. font leur apparition autour de 1896 avec Yellow Kid. Et donc, les gens à l'époque, lorsqu'ils s'achetaient le journal, une des premières sections qu'ils allaient consulter, ce n'était pas la page des sports. Non, non, non, c'était les comic strips. D'ailleurs, dans les années 20, le médium était à ce point populaire que les auteurs de séries à succès, là, comme par exemple Frank King avec son Gasoline Alley, gagnaient par année 100 000 $ À l'époque, ouais. le salaire annuel était de 2000 $ Ouais. Alors, donc, Schultz va lire, va plonger dans cet univers. C'est un enfant relativement seul, d'origine germanique du côté du père, d'une mère norvégienne. Et donc, sa solitude, il va la passer, en fait, dans les comic strips. Ouais. Et c'est sa mère qui va l'inscrire à un cours par correspondance de dessin. Et il va commencer donc à s'y mettre. Et il a du talent. Et son rapport à sa mère est très, très important. Toute sa vie, il aura cherché l'approbation, la reconnaissance, l'amour de sa mère. Hein. Il vivait dans un foyer où c'était pas très, très chaleureux. Hein. C'était plutôt froid et lui, donc, recherchait cette espèce de chaleur humaine. Et donc, il va se découvrir une passion et un talent pour le dessin. Mm-hmm. Et il va complètement embrasser cette chose-là. Son père va le suivre. Il veut dessiner. Ah oui, il rêve d'entrer chez Disney. Oui. Il va faire une demande. Ça va être refusé. Évidemment. Il fait plein de demandes partout. Oui. Son père qui poste ça. Hein, à tous les jours, ouais. en allant au travail. Ouais. Ouais. Et ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Ceci dit, à l'âge de 16 ans, il publie un premier dessin dans Believe It or Not, qui s'inspire d'ailleurs du chien de la famille, Spike. Et donc là, consécration. À 16 ans, premier dessin publié. Par la suite, il faudra attendre son retour de la guerre parce que Schultz sera mobilisé. Il deviendra d'ailleurs un excellent tireur d'élite. Et c'est pas étonnant parce que c'était un homme d'une droiture et d'une concentration et d'un focus tellement extraordinaire que c'est pas très étonnant. Ouais. Et donc, au retour de la guerre, il va tenter de faire ce qui était à l'époque très, très populaire, un comics de guerre. Mais évidemment, après la Deuxième Guerre mondiale, le marché est complètement saturé. Ouais. On veut plus entendre parler de la guerre. Non, pas du tout. Effectivement. Et ce qui est populaire à l'époque, donc, évidemment, ce sont soit les strips d'aventure, de flibustiers ou d'agents secrets à la Dick Tracy, ou encore des comic strips humoristiques. Et ce qui va arriver, c'est qu'en 1947, Schultz va proposer à un syndicate Little Folks, qui est une série. C'était pas des strips à 3 ou 4 cases. Là. C'était une image humoristique. Et au lieu d'avoir un phylactère, le texte était sous l'image. Et donc, c'était une galerie de personnages enfantins. C'est donc l'âge d'or de Peanuts. Et durant 3 ans, ils vont publier. Et le syndicate, finalement, met un terme à son contrat. Lui reprend les droits de sa série. Il va tenter d'aller vendre ça ailleurs. Et finalement, le syndicate, qui va l'engager, trouve que le nom n'est pas très, très intéressant. Et en plus, il y a un problème de droit. Ouais. Et donc, l'éditeur va trouver le nom Peanuts. Un nom que Schultz va détester jusqu'à son dernier souffle. Il aurait préféré, lui, je ne sais pas trop, le merveilleux monde de Charlie Brown, quelque chose comme ça. Oui. Donc, ça commence, il y a cette première série qui porte un autre nom, et ce n'est pas la même présentation. Pas du mais tout. En 50, donc, quand il décide, c'est vraiment Peanuts comme tel naît en 1950. Oui, totalement. Et l'autre idée géniale derrière ça, c'est que là, il passe aux quatre cases, ce qui permet dans les journaux de publier soit à la verticale, soit à l'horizontale, ou deux cases au-dessus, deux cases au-dessous. Donc, il a cette idée-là, ce qui lui permet vraiment une meilleure ouverture. Et tranquillement, va développer ses personnages, sa série. Les premières années, ça fonctionne correctement. Ouais. Mais il faut vraiment attendre la fin des années 50 là, pour que la vitesse de croisière embarque, que la bonne partie de sa distribution soit déjà installée. Mm-hmm. Et là, vraiment, on passe à une autre étape. Ouais, et c'est là que se déploie tout cet univers formidable de Peanuts et le monde merveilleux de Charlie Brown. Au travail, l'équipe. La chance est avec moi, je le sens. Ça va changer, j'ai enfin la combinaison gagnante. Après cette première victoire de l'autre jour, rien au monde ne saurait m'arrêter. Nous avons 980 défaites derrière nous, mais aujourd'hui, enfin, la victoire nous appartient. Tous à vos positions, allez! On y va, la chance est avec moi. Oh, j'en connais un qui ne va même pas voir cette balle arriver. Attention! Je pense que Charlie Brown est un peu ce que nous avons tous à l'intérieur de nous. En tout cas, moi, je suis Charlie Brown. Si vous dessinez des personnes qui gagnent tout le temps, vous ne dessinerez que pour une minorité. La plupart d'entre nous avons des ambitions et la plupart d'entre nous sommes des perdants. Nous aimons tous gagner des trophées au golf ou au tennis, mais rares sont ceux qui en gagnent. Golf trophies or tennis trophies or things like this, but most of us never win them. À nouveau, vous entendiez un extrait de cette entrevue accordée par Charles Schultz à nos collègues de la CBC en 1961. Juste avant, vous entendiez un extrait du dessin animé de 1975. Ça, c'est du sport, Charlie Brown. Comment décrire le monde de Charlie Brown, Jean-Dominique Leduc? Sur quoi repose le concept et le génie de cette série Peanuts? Alors, c'est de prendre, comme M. Duprat disait en ouverture, c'est de prendre des préoccupations adultes, contemporaines, et de les passer par le spectre de l'enfance. Et chacun des personnages, à sa manière, incarne un trait de personnalité ou de l'auteur, et donc le prolongement de ses propres angoisses. Et évidemment, le fait d'être dans les journaux sur une base quotidienne et de durer dans le temps, ce que ça a permis à Schultz de faire, c'est de créer des rendez-vous. Par exemple, à chaque Saint-Valentin, on sait que Charlie n'aura pas sa carte à Saint-Valentin. On le sait qu'il ne bottera pas le ballon, que Lucy va l'enlever. On sait aussi que Linus, à chaque Halloween, va attendre la visite du Great Pumpkins, qui est l'équivalent du Père Noël de l'Halloween, qui ne se pointera jamais. Le cerf-volant, Charlie Brown, n'y arrivera pas à le faire voler. Et donc, dans le temps, ça crée une intimité, une familiarité telle que il y a une catharsis qui s'effectue, qui s'installe, qui s'actionne. Et donc, Charlie Brown, c'est nous. Ouais. Et c'est ça le génie de cette série-là. Avec nos espoirs, avec nos déceptions, avec les ancrages qui nous rattrapent tout le temps. Oui, la vie est un cycle. Ouais. Et sur 50 ans, je pense que le grand génie de Peanuts, c'est d'avoir été d'abord et avant tout un strip qui parlait de la vie. Oui. Et ça, c'est assez inusité. Dans le milieu du comic strip, c'était la première fois qu'on voyait ça. Bon, écoute, à l'époque, il y avait eu un Frank King, j'en ai parlé, de Gasoline Alley. L'idée derrière cette série, qui est née dans les années 20, c'était de voir en temps réel le personnage grandir. Donc, cette série-là, le personnage a grandi, il a eu des enfants. C'était assez atypique, c'était assez formidable. Mais avec Charlie Brown, là, vraiment, on est dans la philosophie, on est dans l'actualité, on est dans la vie. Et ça, c'était du jamais vu. Ouais. Et puis, la famille, l'univers de Charlie Brown, c'est beaucoup les personnages. C'est Charlie Brown, c'est Snoopy, ça, c'est les deux principaux. Ouais. Vous en avez nommé déjà quelques autres, Linus. Il y a plein de... Parlez-moi de ça, la force des personnages de Peanuts. Alors, évidemment, lorsqu'on parle d'une œuvre d'art, on sait que l'artiste derrière l'œuvre d'art va puiser dans sa vie. C'est difficile à croire lorsqu'on lit Charlie Brown parce que c'est tellement champ gauche par moment. Et non, pourtant, on ne peut pas être plus dans la vie de Chulz que ça. Alors, évidemment, il y a Charlie Brown qui représente la déception, la désillusion, le fait que dans la vie, on n'arrive pas toujours à destination. C'est un peu un loser sympathique, mais dans lequel on se reconnaît, au fond. Totalement. Ouais. Totalement. Tous nos échecs sont incarnés dans Charlie Brown. Mais en même temps, il incarne l'espoir. Parce que le ballon, il va tenter de le reboter. Mm-hmm. Il va tenter de faire voler son cerf-volant. Alors, il y a dans Charlie Brown une promesse d'espoir qui est très, très importante. Évidemment, Linus, il y a le côté rêveur. Schroeder, le pianiste, il y a cette idée de la virtuosité. Il y a cette idée aussi de se consacrer à une chose. Il y a aussi l'idée de la fuite vers l'avant. Et à chaque fois que Lucie l'approche pour le draguer, il fuit. Mmh. Et ce fut l'histoire, en fait, de Charles. C'est-à-dire, il a fui dans son œuvre parce que la vie lui était, en quelque part, insupportable. Donc, tous ces personnages-là incarnent des traits de caractère non seulement de l'auteur, mais incarnent nos propres travers, nos propres espoirs. Et le génie, c'est que les personnages sont tellement bien campés, ancrés, que lorsqu'on en met deux en relation, forcément, il se passe quelque chose. Ouais. Et ça parle tellement à tout le monde que ça va tenir pendant 50 ans avec le succès qu'on sait et que ça va se retrouver. Évidemment, cette BD va se retrouver à la télé, va devenir un dessin animé. Et puis, on en entendait un petit... Bon, Serge Gainsbourg, au début de l'émission, c'était une chanson qui a été enregistrée pour la version française d'un dessin animé, justement. Ouais. Mais il y aura ce qu'on entend maintenant et qui va devenir le thème de Charlie Brown. Parce que la musique, ça va être peut-être le premier produit dérivé de Peanuts. Qu'on entend, c'est la musique du premier dessin animé de Charlie Brown qui est présenté à la télévision en 1965. Cette musique-là va devenir, Jean-Dominique Leduc, la musique thème, le thème musical des dessins animés de Charlie Brown. Il y en aura plein de dessins animés. Charlie Brown à la télé, ça va être important. Ça va devenir une icône culturelle, là, Peanuts et la famille de Charlie Brown. Et ce qui est très intéressant avec ça, Jacques, c'est qu'en fait, Peanuts apparaît grosso modo en même temps que l'arrivée de la télévision. Et il y aura un transfert. Il y a des centaines de millions d'Américains à la fin des années 50 qui ont la télévision. Schulz va résister un peu avant d'aller à la télévision parce qu'il a très, très peur du développement de sa marque. Et comme il veut avoir le contrôle absolument sur tout, il attend l'offre qui va lui permettre, au-delà de la compensation monétaire, il attend cette offre où il pourra vraiment mener le projet à terme. Et évidemment, là, Charlie Brown débarque dans les foyers, non seulement dans la presse, mais à la télévision. Et là, c'est la consécration. Et c'est l'ouverture de la boîte de Pandore, parce que c'est ce qui va amener Schulz à développer donc tout le pan commercial. Il va s'entourer d'une équipe pour gérer ça, évidemment avec un droit de regard. Mais là, vraiment, Charlie Brown fait son entrée dans la mythologie. C'est-à-dire que là, il entre vraiment dans les foyers, il entre partout, dans l'imaginaire collectif. Et oui, la musique, c'est le premier produit dérivé. Ouais. Et d'ailleurs, petite anecdote, il détestait le jazz. Alors que ce sera ça, les disques de Noël de Charlie Brown. Totalement. Alors, c'était possible de passer un Noël sans écouter un album de Charlie Brown. Il y aura son Walk of Fame, il y aura Apollo. Apollo. Snoopy deviendra la mascotte de la NASA. Donc, Apollo 11, ce sera Snoopy. Ouais. C'est complètement fou. Alors, Snoopy, il est vraiment partout, mais il est surtout, et c'est ça qui est extraordinaire, dans le cœur des lecteurs et dans le cœur des téléspectateurs. Vous le disiez au tout début, cette série-là, ce monde-là, le monde de Peanuts, le monde de Charlie Brown, va s'éteindre vraiment en même temps, à quelques heures près, en même temps que son créateur, Charles Schulz, et c'était voulu. On écoute, pour nous remettre dans le contexte, le reportage diffusé à France 2 au moment du décès de Charles Schulz en février 2000. Au revoir, Charlie Brown. Adieu, Charles Schulz. Étrangement, la mort hier soir en Californie a emporté le créateur de Snoopy et de tous les personnages de Peanuts la veille de l'ultime parution ce matin. Les délires métaphysiques de la planète Charlie Brown étaient suivis par 355 millions de lecteurs de 2660 journaux du Globe. Nous sommes tous un peu orphelins de Papa Schulz. Après 50 ans de bons et loyaux services dans son studio, 1 place Snoopy à Santa Rosa, et après fortune largement faite, Charles Schulz, 77 ans, avait décidé ces derniers mois de poser les crayons. Sa santé l'avait contraint à ce sacrifice, car sa famille véritable, c'était la bande des Peanuts, la BD la plus publiée du monde. Schulz avait rédigé pour ce matin un petit texte ressemblant à un testament. « Chers amis, j'ai eu la chance de dessiner Charlie Brown et ses amis pendant 50 ans. Charlie Brown, Snoopy, Linus, Lucy, comment pourrais-je vous oublier ? On pourrait lui retourner le compliment. » Schulz disait qu'il espérait avoir apporté un peu d'humanité dans ses dessins. Disons également beaucoup d'humour, délicat, décalé, délicieux, à l'image de Charles Schulz. Alors la fin de ce monde, le monde de Charlie Brown, en même temps, à quelques heures près du décès de Charles Schulz, ce n'est pas une coïncidence, Jean-Dominique Leduc. Non, c'est un homme qui a... Ça frappe l'imaginaire, par ailleurs. Ah oui, ça ne s'invente pas. Ceci dit, c'est là que la réalité dépasse la fiction. L'auteur disparaît avec son œuvre, en quelque part. Mais l'œuvre ne disparaît jamais. On la porte tous en nous, maintenant. C'est un homme qui était d'une très, très grande prévoyance. Il avait, lorsqu'il est tombé très, très malade, là, des suites d'un cancer, il avait prévu, il avait pris de l'avance. Il avait toujours de l'avance, de toute manière, dans ses strips. Et il avait prévu une certaine longueur d'avance. Et il savait qu'au bout, c'était terminé. Il avait un tremblement dans la main qui faisait que c'était rendu excessivement difficile de dessiner. Ouais. D'ailleurs, le texte qu'on vient d'entendre du dernier strip, il l'a cité. Il l'a cité à son assistante et c'est elle qui est allée choisir des illustrations pour faire le montage de cet ultime strip. Ça crée un vide immense. D'une part parce qu'on pense que son auteur, comme son œuvre, est immortel. On s'imagine que demain matin, il y aura un nouveau Peanuts. Mm. Ça fait 50, mm-hmm. ça fait 50 ans. Eh bien non, c'est la fin. Mais c'est une fin sublime d'avoir réussi à animer cet univers de papier pendant 50 ans. D'une part, c'est un fait, c'est un haut fait, mais c'est l'héritage qu'il laisse aussi. Peanuts, on le reconnaît peu importe où on se trouve dans le monde. Et au-delà d'une marque, au-delà d'un personnage, je crois que dans 100 ans, dans 200 ans, dans 500 ans, on s'en souviendra encore forcément. Et ça demeurera une icône. Jean-Dominique Leduc, chroniqueur BD, ami de l'émission, merci. Merci beaucoup, Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Yvette Kéméré, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.